Yes. Yes. Ok, donc on a écouté. Norman Brown. Norman Brown. Ouais, c'est ça. The Lydian. C'est une version live. Lydian. Il a joué sur une émission de télévision. On peut trouver sur YouTube. Ouais, la qualité est pas ouf, mais bon, bref, ça passe. Ça ouais. passe. Donc, ouais, basse jouée au clavier, tu disais. Ouais. Très rapide et donc très. Ouais. Bon, je sais pas, ça fait comme une sorte de. Enfin, il y a moins de dynamique du coup. Ça fait comme une sorte de plateau. Ouais, mais c'est. Et. De l'énergie. Pardon ? Et il y a de l'énergie. Ouais. Oui, ça, c'est pas du tout du smooth jazz en fait. Parce que là, c'est... en fait, je t'avais dit que la version originale, c'est plus lent. Ouais. Et avec une vraie basse et tout ça, et on entendait souvent sur le Weather Channel, qui était une chaîne télévision où il y a que des informations sur la météo. Ouais. Et suivant le smooth sans jazz. Sans présentateur. Donc ouais. C'est ouais. juste des écrans oui. très relaxants. Oui, avec du smooth jazz. Ouais. Et il y avait ce morceau Lydians. Mais moi j'aime bien cette version-là. Tu l'as découvert ce morceau sur Weather Channel ? Non, j'avais découvert Norman Brown et puis j'ai cherché une vidéo de lui en train de jouer live, c'était la première vidéo que j'ai trouvée. Et comment tu sais que c'était sur Weather Channel ? Parce que c'était. J'ai lu après que ça, Lydians c'était un peu son grand tube. Son tube, d'accord. Et, j'ai vu après que c'était connu pour être sur le Weather Channel. Il y a toute il y a un super site web en fait, une espèce d'archive de musique sur le Weather Channel. Ouais. Et on peut écouter les morceaux vraiment tirés, des morceaux enregistrés de télévision avec la qualité télévision okay. de son, avec des morceaux de Spyro Gyra, de tout ça, le fusion, smooth jazz. Et il y a plein de merles là, mais il y a plein des bons trucs aussi. Mais c'est... Alors Spyro Gyra, c'est vraiment le... Bon, moi je connais pas parce que je suis pas né aux États-Unis, mais c'est le truc que j'ai toujours évité d'acheter parce que c'est ce que je trouvais dans, dans les $1 bin. Mais c'est ça aussi, que quand on commence à aimer les choses coinées, on peut trouver les bons deals. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Parce que personne ne veut ces disques. Bon, je sais plus. Il y a un compositeur, ouais, un jazzman avec un nom... français plus ou moins, bon ça va me revenir, qui était aussi dans les $1 bin. Mais bon ouais. Steely Dan aussi c'était dans les $1 bin. Ouais. Plus maintenant. Plus maintenant, non, tout le monde tout le monde est. J'ai pensé à ça aussi, il y a Steely Dan, il y a 10 ans personne n'aimait Steely Dan, maintenant tout le monde l'adore, il y a 5 ans même. Il y a la même chose avec The Grateful Dead, ah ouais. remarqué ça? Non, mais bon, aux États-Unis au moins tous les gens cool dans la musique cool aime le Grateful Dead maintenant. Ah ouais. Il y a 5 ans c'est le pire truc. Alors qu'est-ce que oui, c'est le prochain truc qui va être réhabilité qui va je sais pas Emerson Lake and Palmer. Ouais. Non, peut-être moi j'ai pas. Pensé à Bob Marley. Bob Marley. Parce que oui, mais il a jamais vraiment ouais, je sais pas, il a jamais si, vraiment a été détesté. Réputation, ah bon oui. Oui, aux États-Unis mais il mais comme Grateful Dead, non, c'était un peu la musique des potheads ou des non des oui, hippies, des il y avait hippies. Ce truc là non ouais des hippies oui. Et maintenant c'est ouais je sais pas bon. Est-ce que peut-être hein, on fait des pronostics pour savoir qui va revenir, mais c'est ouais aux États-Unis c'est dur de savoir. Peut-être Crosby, Stills and Nash. Crosby, Stills and Nash, non, peut-être non. Non. Jet Rattle, non. Jet Rattle, non, I don't think so. Très connu en Europe ouais, et tout. Moi j'avais un petit morceau parce qu'on parlait de funk. Oui, parce qu'on s'est dit que funk. Moi je pense que souvent le funk est considéré comme corny parce que les gens ont peur du funk, ou ont peur du rythme, ont peur de le rythme du groove. Oui, du groove. Alors est-ce que tu peux. Parce que le funk en français, bon, c'est quelque chose de particulier, mais. Funk, ça veut dire sentir mauvais, n'est-ce pas? Quand on parle de funk. Oui, c'est funky. Funky. Oui, c'est ça pue. Ouais, ça pue, ouais. Wow. Non, mais c'est pas quelque chose qui est intuitif. Voilà. Donc le lien entre. Donc c'est normal que oui, ce soit corny, puisque ça pue. Mais corny aussi, oui, c'est avec le maïs. Eh. Donc c'est pas forcément un morceau. Funk que je vais passer, mais c'est un morceau dansant, Voilà. Non, je vais. Ouais, si. Okay. Allez, c'est parti. C'est un morceau acceptable, je crois. Les entretiens de Grenoble, on se retrouve tout de suite. Merci. Thank you. Ok. Les entretiens de Grenoble avec Nate Davis. Yes. Ouais, donc c'était Powerline. Bon, c'est pas. C'est, bon, on n'est pas en train de dire. Enfin, le but de l'émission, c'était plus de parler. De définir corny. Mais c'était pas vraiment ça. C'était juste de discuter autour du terme corny ou ce qu'on dit être kitsch ou pas. Finalement, c'est parler du bon goût et du mauvais goût. En fait, c'était plutôt ça l'idée. Quoi. Ouais, ouais. Qui. Bon, comme je disais hors antenne, moi je suis, y a pas de, je suis anti mauvais goût et anti bon goût en fait. Enfin, bref, donc on parlait de quoi ? On avait prévu de parler, je sais plus de quoi. Oui, si. Ah oui, le nom dont que j'avais pas retrouvé tout à l'heure, c'était Jean-Luc Ponty. Voilà. Donc des tonnes de disques de Jean-Luc Ponty que je n'ai pas cher que je n'ai jamais acheté. Et qui, voilà. Bon bref. Mais et plein de disques à 1$ que j'ai acheté que j'adore. Tous les trucs de smooth rock, tu sais, Loggins et Messina, Christopher Cross, voilà, ce genre de trucs. Moi je trouve ça super. Oui, il y avait une petite renaissance dans le, tu sais, les yacht rock et tout ça, cette idée dans les derniers 10 ans pour dire que oui, c'est intéressant cette musique. Je sais c'est pas. C'est devenu un peu cliché, mais non. Ouais, ouais. Tu crois que c'est. Ouais. C'est intéressant le mot. C'est pas à un moment donné, ouais, je sais pas. Là, on écoute un remix de Gâteau Barbieri. Gâteau Barbieri. C'est Denis, l'ami Denis, qui était là la semaine dernière, qui m'a donné cette version. Et donc, je trouve que c'est assez marrant. Puisque c'est. Donc, c'est il a sorti un disque sur un label écossais. Et donc c'est des gens a priori très particuliers, très précis. Et je trouvais que ce remix en fait à un moment donné fait penser à la fin à de l'électro jazz, voilà. Donc c'est marrant, peut-être il y a une sorte de boucle en fait, des gens qui veulent être très précieux, très précis, finalement se mettent à proposer quelque chose qui avant était considéré comme corny. Voilà, tu vois, une sorte de cycle. Non, mais avec ce genre de musique là, oui, c'est très facile de traverser une frontière et après c'est vraiment c'est corny, c'est nul comme en France, souvent les gens aiment ce truc qui s'appelle Electro Swing, qui est vraiment le pire du pire, c'est vraiment horrible. Et peut-être que dans 5 ans, tu trouveras ça super. J'espère pas. Non, je crois pas. Mais il y a eu l'Electro Jazz avant l'Electro Swing en fait. Ouais. Oui, non, mais ça me plaît. C'est aussi. C'est pas souvent ça dépend des situations où on écoute quelque chose. Ouais. Bien sûr. Et si c'est un DJ qui passe les choses, parce que tu sais, il y a un DJ comme DJ Harvey que j'aime beaucoup, et des fois il passe des morceaux que normalement j'aurais pas aimé écouter. Je ne chercherai pas à écouter ça, mais s'il les passe dans son mix, dans le bon moment, ça passe hyper bien et j'aime bien. Bon. Question de contexte. Oui. Enfin, ou de con musique, il faudrait dire plutôt, parce que c'est de la musique. On écoute ça un petit peu, et on va voir pourquoi D'accord. je trouve que c'est électro jazz. Ok. Thank you. Yes. Bon, c'est pas bon. Il y a juste un passage que je trouvais, voilà, électro jazz entre guillemets, mais bon, tout est bien. Ouais. Tout est bien. C'est un bon morceau. Alors, là, on est en fond. Pat Metheny Group. Oui. Donc, qui est pour toi un morceau, on va dire. Paradigmatique de la corniness ou un totem selon l'acception, une acception générale. Ce que les gens trouvent corny, voilà. Mais que les gens sont cons. Voilà. Parce que j'adore Pat Metheny, j'adore ce morceau. Et je trouve souvent avec Pat Metheny, il y a un rejet de lui et de ce genre de jazz. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je crois que c'est lié à la sentimentalité. On parlait de ça, que c'est assez sentimental. Mais pour moi, c'est simplement beau. C'est vraiment beau, son façon de naviguer les harmonies et mélodies de jazz et de faire son propre truc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc lié à l'utilisation de la guitare dans le jazz, malgré tout, non? Je sais pas, non. Bon. Non, parce que... Je sais pas. Non, je me disais, est-ce que... Ouais. Moi, j'ai beaucoup de guitare parce que j'adore la guitare. J'adore la guitare dans le jazz. Mais... Quand on pense au jazz, on pense pas forcément tout de suite à la guitare. Et ouais. Souvent, c'est... Ouais. Mais aussi parce qu'en fait, avec ce genre de musique, je ne supporte pas le saxophone, par exemple. Dans le jazz, ouais. Tu ne supportes pas le saxophone. Ou je supporte beaucoup mieux la guitare que le saxophone dans ce... Parce que tu es guitariste. Ouais. Non. Ouais, peut-être. J'avais joué le saxophone au lycée. Et voilà, ouais. La guitare c'était mieux. Non mais, bon je sais pas, ou alors c'est moi, mon point de vue. Enfin j'ai l'impression que je pourrais mieux tolérer, c'est peut-être moi qui n'aime pas la guitare, je pourrais mieux tolérer des solos de saxophone de 5 minutes plutôt qu'un solo de guitare de 5 minutes, je sais pas. Moi je crois qu'il y a une espèce de manie, il faut avoir une manie, une obsession avec les guitares. Et pour pouvoir supporter ce genre de musique de guitare. Ouais. Et quand on est dans ce manie, dans cette obsession, il n'y a rien de mieux que ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a quand même la guitare dans le jazz, il me semble. Enfin, moi, ce que je connais, c'est qu'il y a soit la guitare harmonieuse, mélodieuse, comme ce qu'on entend là, ou alors les choses, comme la guitare électrique. Sony Sharrock, enfin on est un peu, il y a un peu deux extrêmes, soit quelque chose de très très mélodieux, très harmonieux, par exemple Jim Hall, ou alors des trucs électriques hyper discordants, et j'ai l'impression que c'est assez extrême. Mais ça c'est plutôt, bon je sais pas. Pour moi la guitare jazz c'est plutôt Wes Montgomery, et après tout le reste, c'est lui qui est un peu la définition de guitare jazz. Et dans son façon de jouer, on n'a pas Sonny Sharrock, tout ça, mais on a. Bon, on a Norman Brown, on a Pat Metheny, on a Jim Hall. Oui, mais je donnais deux cas limites en fait, en gros. Enfin, j'ai du mal à voir ce qu'il y a entre les deux, entre le free électrique, tu vois, très. Moi j'aime pas trop le free électrique en fait. Ouais, bah, j'imagine. J'imagine. Ouais. Ou alors, bon. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux, mais bon, j'en sais. Quelque chose qui serait. Soit c'est très mélodieux, soit c'est très John Scofield. Non-mélodieux. John Scofield. Ouais. C'est un peu l'entre les deux. Ouais. Chose comme ça. Bon, on écoute ce morceau. Oui. La fin. Oui, on peut passer. Parce que le prochain morceau, je trouve que tu m'aimes bien de savoir de quoi tu penses. C'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Los Musicos del Centro. C'est un groupe argentin avec Juan Carlos Ingramo et comment il s'appelle, Lito Nebbia. Ok. Et ce sont un peu les classiques des géants de fusion et rock progressive argentin. Et dans les années 70 et les années 80, ils ont allé plus vers ce genre de jazz un peu smooth, mais toujours progressive. Très synthétique, très pop, et je trouve ça vraiment intéressant. Peut-être les gens qui écoutent vont détester, mais je m'en fous. Peut-être on peut passer, se écouter et voir ce que tu penses de ça. Ça s'appelle Tamla. C'est de un disque, je crois que c'est de 88. Il y a une dédicace à Stevie Wonder. Oui, moi ça est dédicace à Stevie Wonder. Bon, très bien. Bon, alors un rough cut, enfin non, pas rough cut, mais raw cut plutôt. Allez. Avec le saxophone, c'est plus facile à la guitare, non? Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, ce type de saxophone, quoi. Ouais, ouais, je comprends bien. Mais bon, la guitare, ça permet pas c'est pas le ouais. ces élans là. C'est pour ça petite, que bon. C'est pour ça que Pat Metheny joue le MIDI guitare, hein, parce qu'il trouvait que la guitare manque ce pouvoir de faire vraiment le oui c'est de la MIDI guitare. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, Pat Metheny joue une MIDI guitare qui fait avec il joue la guitare mais c'est une son électrique. Un son d'accord. D'ordi. Une son électronique. Oui oui. Ah ouais, Roland, je sais pas le nom, mais Roland, mais il okay. joue toujours. Ah, je savais pas. Ouais. Comme ça reste lisse. Il ouais. y a pas de, d'envolée. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Là, on écoute George Benson. Ouais. Erotic Moods. Mm-hmm. Petit disque. C'est assez drôle parce que dans les derniers morceaux sur le disque. Il y a les sons un peu érotiques derrière, des bruits érotiques. Des voix érotiques, tu veux dire. Ouais. Ouais. Ou vraiment des. C'est comme un peu pornographique presque. Mais. Bon. Non, c'est pas si érotique quoi. C'est plutôt exotique. C'est plutôt sentimental. Ouais. Non ouais. Presque exotique, érotique, non? Bon, bah, très bien, c'est un entretien de Grenoble qui se déroule de manière smooth, on va dire. Est-ce qu'on change un peu de fusil d'épaule ou du moins de thème? Il nous reste un quart d'heure, bon en même temps il nous reste un quart d'heure, alors est-ce que, je sais pas, est-ce que tu veux plutôt mettre des morceaux à toi un petit peu ou je te réinviterai pour ça dans non, ton pas petit trop morceau parce que j'ai amené que des trucs, des vieux trucs. Moi j'ai des morceaux de Francisco Davis qui pourrait être intéressant à écouter en musique de fond. Oui, ça marche bien pour la musique de fond. Finalement après ce morceau-là peut-être. Tu veux passer ce morceau de Zouk si tu veux. Parce que j'ai pensé avec le Zouk, je trouve que le Zouk c'est en France c'est vu un peu. C'est comme, vu comme assez corny parce que il y a cette et j'en pense à Club Med et le carnaval. Tu sais, il y a ce groupe Kassav, je crois ouais. que de plus en plus ça a été redécouvert, Kassav, notamment ouais. par les disques. Parce qu'il y a quand même des très très bons musiciens dans Kassav. Je ouais. pense que le Zouk a retrouvé des ouais, d'accord. de l'honneur, il me semble. D'accord. Mais c'est vrai que dans les années 80, c'était. Très connu et des titres que tu entendais tout le temps à la radio, donc forcément ça dénature, on va dire, la musique. Et donc, ça, c'est un morceau qu'on va écouter de Rodrik Kozak, qui est donc de quelle origine je ne sais pas en fait. Ok, on écoute ça. Je dis, moi, tu ne penses pas les moins qu'à la fois. Le rythme de was la voyons vie pour moi moins préparé quand il en vend ta bête là ben les périmes si ma mange à passer quand il en vend ta bête là je dis moi tu ne penses pas les moins qu'à raconter quand le rythme de was la pas ni travail pour nous contrôler la loi. C'est ça nous qu'a récolté. Voyons billet pour moi, mais peut pas rester. Un petit devant ta bête là. Ben et périphé si maman j'a passé. Un petit devant ta bête là. En arrivant des agréments, quand t'as parlé, mademoiselle, balancez la sauce. Cette fois, mon bureau, même au boulard. Thank you. Entretien de Grenoble avec Nate Davis. On explore des chants, oui. Des chants musicaux. Oui. Voilà. Isabella Gianni, donc, et avant c'était Rodrigue Kozak qui est guyanais. Très bon morceau. Très bon morceau. Super. Voilà, le disque est pas cher apparemment sur Discogs. Oui, j'ai pensé que c'était cher. Ouais. Bébéton. Très belle pochette, comme souvent hein, quand même. Dans les... Elle est très en vente. Alors, en direct, on regarde. Non, ça va. Ouais, ah oui, il y en a qui vont 40, jusqu'à. 50, ouais, bon, 60. D'accord. Je suis à 12 euros et. C'est ouais. En France. C'est en France, ouais, c'est pour ça que c'est pas très cher peut-être, mais bon, je sais pas. Many surface marks, a lot of noises. Ah ouais, c'est pour ça. Surface Very good plus. Allez, celui à 25 aussi. Ouais. Bizarre. Voilà, Rodrigue. Donc, oui, on disait un peu hors antenne que le zouk, quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on redécouvre le zouk, je sais pas si c'est vrai. Enfin, notamment Kassab, Jacob de Varieux, tous ces excellents musiciens. Qu'est-ce que. Ouais, je vais mettre un autre morceau, si ça te dérange pas. Non. Et ensuite, on pourra peut-être finir par quelque chose de plus dur. Mais c'est pas dur, en fait, c'est encore plus sentimental le truc que j'ai de Bon Thugs. Ah, c'est très sentimental. Okay. Et ben on va mettre ça. Okay. Les entretiens de Grenoble, c'est une émission qui se passe à Grenoble. On essaie de discuter sur la musique, autour de la musique. Voilà, ben j'espère que tu reviendras. Je pense que tu reviendras. Oui, j'aimerais bien. On mettra des morceaux à toi peut-être cette fois-ci ou oui, quelque chose bien. de plus biographique ou autobiographique. Avec plaisir. Voilà. Et on finit sur. J'adore Isabelle Adjani. Enfin, j'adore cet album, je dois l'avouer. Voilà. Donc, oui, la mélodie était assez similaire, le morceau Tamla, argentin. C'est vrai. Tamla. C'est pour ça, je crois. Allez, bon Tugs and Harmony. Toi, c'est dans la sentimentale. We're my mighty, mighty warriors, This is all real, what you see I said it's all real, it's just a thug and me Nigga, just because crazy, quiet, speak less Don't be mistaken, my kindness for weakness Humble but ready to rip on my violent side, I can't deny I'm like a Jekyll and Hyde, Gemini Look, if you see me quiet, then I'm plotting to ride Why? Tell me why in the eyes I'm living a minute but I like it Destroy paranoia will make me blow you away But hey, nigga got too close to me And that ain't how it's supposed to be Nigga want respect but what do you show me? Play a hate and anticipate The day that you can see me fall But act like you know, I'm rolling with Mo Posse Do damage and manage to wiggle our way out of handcuffs As we strut as thugs we must Do what our best to obey God Mind in these times Slim nigga, gotta get up and come and get it if it's really coming Now I get it, I'm a pulling niggas acting crazy Save this off, come and get it if you really want it Yeah, it's hating, baby, that got me so cold You gotta be heartless In certain situations like retaliation It's all real, what you see True, I said it's all real Authentique, quoi. Ouais. Donc, Bone Thugs and Harmony, tout est réel, mais tout est doux. Ouais. Pas besoin de faire les durs pour être un dur. Ouais. Quelque chose comme ça. Oui, c'est un peu ça. Ok, on va se quitter sur ça, et puis il y aura un petit morceau après. Donc, au moins, on va passer un morceau que tu as fait. C'est un live, donc, hein, un live oui, à Lisbonne. C'est un truc d'il y a 14 ans. Ok, pas mal. C'est pas Angel, mal. Angel Dust, c'est mon groupe de Power Electronics, live in Lisbon, 2007. Alors, il y a 13 ans. Ça s'appelle Two Dogs. Super. Merci Nate. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et merci à tout le monde pour un nouvel entretien de Grenoble la semaine prochaine. Bravo à Pinod et bravo à tout le monde. Et maintenant c'est tout box après cette petite minute. Ciao. It's just a thug in me. It's all.